9h02. On va faire le tour des nouvelles avec Véro. Il y a du nouveau, entre autres, concernant Freddy Villanueva. Je vois ça passer depuis tantôt. Beaucoup là. De nouveau, c'était... Là, qu'est-ce qui va se passer? On va savoir du broyage, du pleurnichage. Ah, c'est sûr. Ça faut de la police. Puis la police de Montréal, ils ont pas été fins avec Villanueva, un pauvre garçon qui jouait au domino dans le parc. Dans le parc. On attendait aujourd'hui, en fait, le dépôt du rapport du coroner 5 ans après la mort de Freddy Villanueva dans un parc de Montréal-Nord. Et ça a été déposé au courant des dernières minutes. Et grosso modo, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est que le décès de Freddy Villanueva, en août 2008, c'est le résultat d'une multitude de circonstances de nature humaine qui, chacune prise isolément, ne saurait justifier logiquement ce résultat. Exactement. T'sais, on dit ça arrive super souvent qu'il y a des jeunes qui jouent au dé, entre autres, dans les ruelles et qu'il y a des interventions policières et que ça dérape pas de cette manière-là. Ouais. On recommande, entre autres, au ministère de la Sécurité publique, au service de police de la Ville de Montréal et à l'École nationale de police de Québec de peut-être mieux former ces policiers pour des interventions comme celle-là. Qu'est-ce qu'on recommande aux crottés? Est-ce qu'on mentionne les crottés dans ça, le rapport? On semble blâmer essentiellement l'intervention des policiers. C'est bien beau de dire la police devrait faire ci, devrait faire ça. Les crottés, eux autres. Il était rendu à 32 cm, là, de la police, là, avec son... La police était armée. C'était une altercation. C'était collé sur la police, là. Ça prendrait des recommandations pour les crotter aussi, à un moment donné, dans les rapports de coroner. Dans ce cas-ci, là, j'ai pas lu le rapport au complet. Moi, je suis en train de lire les résumés parce que c'est sorti il y a quoi, 5-10 minutes de ça, à peu près, là. Ouais. On parle vraiment de formation relative à l'intervention auprès de personnes issues de minorités ethno-culturelles. Alors que... Lui, c'est un gars qui a pas voulu s'identifier. Là. Son frère, Danny Villanueva, il a pas voulu s'identifier quand les policiers sont arrivés. Ça a viré en merde. Ils se sont accrochés mutuellement. Et le petit gars, lui, le petit gars, Freddy Villanueva, s'est interposé au travers de tout ça. Les coups de feu ont parti, puis c'est lui comme ça qu'il est décédé, tu sais. Sa responsabilité, sa part de responsabilité, est-ce qu'on le mentionne? D'après moi, non, là. J'ai pas lu le rapport, je serais prêt à gager que non, là. Parce que, comme je te dis, jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment la sécurité uniquement de la police. Ça faute uniquement du SPVM. L'école de police, puis ça tourne autour de ça. Fait que toute la journée aujourd'hui, vous allez avoir de savantes analyses de part et d'autre, j'imagine. Là. Parce que même si c'est un dossier qui date un peu, à cette époque-là, ça avait brassé puis ça avait fait jaser. Il y avait eu des émeutes d'ennemis qui avaient suivi dans le coin de Montréal, qui était le coin de Nicodère, d'ailleurs. Oui, c'était son ancien comté fédéral. Hood. Il est-tu parti, son frère, lui? On sait-tu? Parce que lui, il avait eu une ordonnance comme de quoi il devait sortir du pays. Hein? Ouais, mais ça traînait devant les tribunaux, puis ça finissait plus, puis les procédures, puis les appels, puis il n'y a pas de bout, puis en tout cas, il était censé le retourner ailleurs, lui, le frère de Villanueva. J'ai pas cette information-là, on checkera plus tard.